Bienvenue à tous dans cette soirée associativement vôtre. Le thème de ce soir étant l'importance de la minorité qui résiste. Pour la partie musicale, nous avons le plaisir ce soir d'être accompagnés par deux auteurs-compositeurs vosgiens, Michel Genini et Jean-Claude Vorgi. Ensuite, nous accueillerons deux témoignages de minorités qui résistent, qui nous diront toute l'importance de leur implication dans des causes qui méritent d'être défendues. Tout d'abord, L'eau qui mord, avec René-Élise Rothio et Bernard Schmid, qui nous exposeront la situation de Vittel et Nestlé, une histoire d'eau pas très claire. Puis Mickey nous emmènera vers d'autres horizons avec Le vaisseau, le besoin de l'âme de ce qui nous anime fondamentalement. Nous aurons la participation d'auteurs avec leurs textes qui relatent l'importance de la minorité qui résiste. Avec Vivre et créer à la montagne, Vincent nous plongera dans une œuvre théâtrale digne du thème de la soirée. Philemon nous offrira une minute décalée très à propos. Françoise nous lira un acrostiche dont elle a la passion pour Associativement Vôtre. Et puis, nous aurons Jean-Claude avec Pandora Papers. Nous vous remercions, chères auditrices et auditeurs, de votre écoute et vous souhaitons une excellente soirée. Nous allons démarrer avec Vincent Descombis qui va nous présenter Michel Genini. Oui, donc Michel Genini, l'idole des jeunes de la vallée de Saint-Maurice, tout ça. Alors il venait dans les Croix-Rouges avec ses cheveux longs et ses chansons. Alors depuis, un peu comme Rimbaud qui a arrêté d'écrire après 20 ans, lui il a plus beaucoup écrit. Rarement ces chansons que je trouvais excellentes. Alors on va lui demander ce soir de les chanter. Et depuis, il est demeuré un très bon interprète qu'on a tout le temps, dans toutes nos fêtes, encore sur la voie verte il n'y a pas longtemps. Mais effectivement, il a fait un CD de ses chansons et il a une dizaine au moins de chansons de l'époque. Et ce soir, il va nous interpréter ses chansons qu'on va découvrir. À toi, Michel. On se retrouvera au bout d'un champ de blé, par-delà les saisons, le bonheur retrouvé. On se retrouvera sur les chemins sauvages, dans un vol de lilas, un coin de feuillage. On se retrouvera, mon amour, ma tendresse, pour un peu de jeunesse qu'on avait laissé là, au détour d'un printemps, au détour d'un sentier qui passe avec le temps, qui passe avec les mots qui ne veulent plus rien dire. Tes cheveux accrochés au creux de mon sourire, comme une cicatrice, l'amour au fond de moi jamais ne partira. On se retrouvera si loin du champ de foire, où les loups se querellent pour un peu d'eau à boire. C'est que tes yeux porteront la lumière, la chaleur de ton cœur à mon cœur nécessaire. Le silence régnera grandiose et solennel, comme un vol d'hirondelle. On se retrouvera avec le goût nature des baisers qui s'envolent pour guérir les blessures. On se retrouvera une fleur à la main pour unique destin. On se retrouvera avec le goût nature des baisers qui s'envolent pour guérir les blessures. On se retrouvera une fleur à la main pour unique destin. Un peu mes chansons. Bon, ça, c'est une chanson, celle que je viens de composer, ça parlait un petit peu de l'optimisme qu'on pourrait avoir sur l'avenir. Peut-être pouvoir vivre dans un monde un peu meilleur que ce qu'il n'est actuellement. Alors, les chansons que j'ai composées, j'avais 17-18 ans, donc depuis, bien sûr, j'ai plus tout à fait des fois les mêmes idées. Je les écrirai plus pareil, mais... Donc, la chanson qui va suivre, c'est la chanson qui parle de la drogue, des junkies, ceux qui se piquent et qui arrivent en fin de vie. Ça s'appelle Junkie Jimmy. Au petit matin sur un trottoir, sur un ciel gris chargé de pluie, les yeux fixés sur sa mémoire, Jimmy est mort au paradis. Jimmy est mort dans un pays où les touristes ne vont pas. Là-bas, les flics sont interdits. C'est pas un lieu pour les bourgeois. Junkie Jimmy, t'as une shooteuse au fond des mains. Tu savais bien que ça t'arriverait un beau matin. Une ambulance vient d'arriver. On met Jimmy sur un brancard. Entre un toubi et un curé qui n'ont pas l'air du tout anard. T'auras ton nom dans les journaux. On parlera de toi à la télé. Si pour un jour t'es le héros, Jimmy, tu seras vite oublié. Junkie Jimmy, t'as une shooteuse au fond des mains. Tu savais bien que ça t'arriverait un beau matin. Junkie Jimmy, t'as une shooteuse au fond des mains. Tu savais bien, ça t'arriverait un beau matin. Merci. Une chanson un peu plus calme sur l'espoir. La chanson s'appelle d'ailleurs L'espoir. L'espoir, c'est cet enfant qui vient me retrouver un matin de printemps sous le soleil de mer. L'espoir, c'est l'habitude de vivre à chaque instant ces heures où l'on s'attarde sans penser au présent. L'espoir, c'est dans les yeux d'un ami qui revient chaque fois que ton cœur se baigne dans le chagrin. Au fond de la rue là-bas, l'espoir c'est ce vieillard sous son accordéon qui chante sa mémoire. L'espoir c'est toutes ces choses auxquelles on ne croit plus, mais qui réchauffent quand même quand tu te sens perdu. L'espoir c'est le soleil qui vient se disperser dans le creux de mon âme et me fait oublier. L'espoir, c'est le mensonge qu'on raconte aux enfants pour leur cacher que la vie, c'est pas toujours marrant. Mais l'espoir, c'est aussi toi, la femme qui m'apporte l'amour dont j'ai besoin et qui fait que je t'aime. Je vais faire une petite dernière, qui plaira peut-être pas à tout le monde, je sais pas, ça prône, ça fait l'apologie de la cigarette en fait. Ça s'appelle la Gauloise. « Elle t'accompagne au bout du bar, entre deux verres, entre deux bières, la Gauloise éphémère. Elle te dessèche les jours de dèche, le bout des doigts, le fond des poches, la Gauloise qui t'accroche. Elle prête son tabac pour faire deux ou trois pas au paradis artificiel. Elle prête sa chaleur, elle prête sa couleur pour réchauffer un peu tes ailes. Elle te rassure aux moindres blessures d'une bouffée de miel, la Gauloise maternelle. Elle qui t'apaise après chaque malaise, après chaque effort, la Gauloise réconfort. Elle devient ta femme quand le vague à la mienne écrase ta solitude. Elle devient l'amie quand il est parti, il fait partie des habitudes. Elle te rassure aux moindres blessures d'une bouffée de miel, la Gauloise maternelle. Elle qui t'apaise après chaque malaise, après chaque effort, la Gauloise réconfort. Elle devient ta femme quand le vague à la mienne écrase ta solitude. Elle devient l'amie quand il est parti, elle fait partie des habitudes. Elle fait jouir quand tu la respires tes glandes amygdales, la Gauloise amicale. Elle qui te manque quand elle est absente pour trouver la rime, la Gauloise cocaïne. Paraît que cette brune cache sous son costume un chemin qui mène au cimetière. Mais j'ai pas de rancune et je m'en allume une, et c'est sûrement pas la dernière. On va laisser la place à Jean-Claude Vorgy pour ensuite réécouter une petite dernière, je pense, de Michel. Jean-Claude, à toi. J'allais dire la parole, mais non, à toi la guitare. Vincent, veux-tu présenter Jean-Claude ? Il va se présenter tout seul. Jean-Claude, on le présente pas. J'ai assisté moi à ce départ, à son démarrage. Que Michel, simplement Jean-Claude, oui, on le connaissait à Guémozo, puisqu'on est sur une émission de Guémozo, là, avec un disque où on passait, on avait créé d'ailleurs le Pot 50, et alors souvent Jean-Claude était en tête du Pot 50, voilà, donc je continue, et donc Jean-Claude, bon, c'est un auteur, compositeur, interprète, bien connu dans les Vosges, et puis dans nos soirées de printemps des poètes, de printemps de la chanson qu'on faisait à rue, on l'a souvent entendu. Bon, sur Facebook, vous le voyez assez souvent, associé avec Sylvie de Bouvacotte, qui, la semaine dernière, ils étaient en Moselle, au Gueulard, voilà. Donc, c'est une profusion, ils chantent aussi aux chansons poétiques à Baume-les-Dames, je crois. C'est ça, Baume-les-Dames. Oui, en fait, ce sont des artistes vosgiens, purement vosgiens. Michel et Jean-Claude sont 100% vosgiens. Et ça, c'est important de dire ici qu'on met en avant les artistes vosgiens. Voilà. Jean-Claude, à toi. OK. On serait pas trop de deux pour en faire plus, pour penser mieux, pour confronter nos doutes, pour élargir un peu la route. Un homme seul à ce qu'on dit serait souvent en mauvaise compagnie. Nous autres qui sommes fruits de la compagnie des hommes, mamies, frères humains, où allons-nous, en quel chemin? J'ai comme l'impression qu'on se serait trompé de direction. faut qu'on se lève. Faut pas laisser dormir la fièvre, celle qui donne des branches à nos rêves. Le temps qui passe n'est pas là que pour passer, il est fait pour être habité, pour aider à naître et mûrir les graines des fruits à venir. À venir, quand on aura fait les comptes de tous nos méfaits, restera-t-il encore du temps pour revoir le décor, réparer et guérir ce que l'on n'a jamais su trop chérir? Pourquoi foutre en l'air tout ce qui nous est nécessaire? Pourquoi tant d'énergie pour faire disparaître la vie? Ça sent fort le naufrage quand la folie s'empare de l'équipage. Faut qu'on s'éveille, parce que c'est pas demain la veille. Quel bonheur nous tombera du ciel. Le temps qui passe n'est pas là que pour passer, il est fait pour être habité, pour aider à naître et mûrir les graines des fruits à venir. À venir, tous ces millénaires qu'il a fallu pour nous faire conscients, intelligents ou supérieurs, dit autrement. Que sont-ils au regard de la dernière montée du dollar? L'excès dans nos passions peut abréger l'évolution, à moins que l'avenir nous apprenne à devenir cosmonautes glaneurs dans un autre monde plus intérieur. Faut qu'on se lève, faut pas laisser dormir la sève, celle qui donne des branches à nos rêves. Le temps qui passe n'est pas là que pour passer, il est fait pour être habité, pour aider un être à mûrir les graines des fruits à venir. À venir. La prochaine chanson, je vais raconter une petite histoire avant de la faire. Je vais raconter l'histoire des chiffres et des nombres, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une société du chiffre. Et je voudrais raconter une histoire qui explique un peu pourquoi. C'était au temps préhistorique, au moment où on a commencé à faire de l'élevage. Et les hommes étaient bien ennuyés parce que quand ils récupéraient leurs moutons le soir, ils ne savaient pas si tous les moutons étaient là. Et on ne savait pas compter. Donc, il y a quelqu'un qui a eu l'idée quand même, un jour, de les faire passer entre deux piquets. Et chaque fois qu'un mouton passait, il posait un caillou par terre. Et le soir, quand il récupérait ses moutons, il n'avait qu'à prendre les cailloux et il voyait si tout le monde était là. Caillou, en latin, ça vient de calculus, qui a fait calcul, aussi bien le calcul mathématique que celui qu'on peut avoir dans les reins. Et ce bonhomme, finalement, il était inquiet au départ et le calcul, le fait de calculer, l'a rassuré. Et les chiffres sont là pour rassurer. Il n'y a rien de plus rassurant qu'un chiffre. 2 plus 2, ça fait 4. À la différence du fait que quand je dis « je suis ému » ou « j'ai froid » ou « j'ai mal », c'est très difficile de doser, de mesurer, de quantifier ce que je viens de dire. Tandis que 2 et 2, inexorablement, ça fait 4, c'est sûr. Et ça, c'est très rassurant. Et comme c'est très rassurant, c'est quelque chose, vu l'angoisse qui règne dans les temps qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose qui a une force incroyable. Dans les statistiques, par exemple, on dit 80%, 30%, etc. Voilà, et on ne va pas voir derrière. Quand on dit 80% de gens, 85% de gens ont eu le bac, ça ne donne rien sur le niveau des épreuves. Et voilà, etc. Et c'est important de se rendre compte que de la place du chiffre aujourd'hui et de l'impact que peut avoir le chiffre sur nous autres. Et la chanson s'appelle « Les actionnaires ». Elle est très courte, alors je vais... Il n'y a qu'un couplet, je le fais deux fois pour faire à peu près une chanson, puis... Comme ça, ça vous permet peut-être mieux de comprendre ce que je raconte. Les actionnaires, ceux-là qui fabriquent la misère, sont par ailleurs des gens sensibles et bons parents. Ils font les mêmes mouvements, ils ont les mêmes sentiments que vous et moi, les mêmes émois. Mais dans l'incertitude, on a tous la même attitude. On veut des choses qui nous rassurent, quelque chose enfin dont on soit sûr. L'argent, ces chiffres incontestables, voilà de quoi pousser le doute sous la table. Mais il revient, il s'impose, alors faut augmenter la dose. Les actionnaires, ceux-là qui fabriquent la misère, sont par ailleurs des gens sensibles et bons parents. Ils font les mêmes mouvements, ils ont les mêmes sentiments que vous et moi, les mêmes émois. Mais dans l'incertitude, on a tous la même attitude. On veut des choses qui nous rassurent, quelque chose enfin dont on soit sûr. L'argent, ces chiffres incontestables, voilà de quoi pousser le doute sous la table. Oui, mais il revient, il s'impose, alors faut augmenter la dose. Les actionnaires. Ça s'appelle Radeau. J'ai de plus en plus de mal à croire tout ce que j'entends, tout ce que je lis dans le journal ou ce que je vois sur l'écran, parce que c'est tellement violent que c'en est mortifère. Et qu'on me raconte en même temps tout et son contraire, dans le sourire formaté du présentateur vérité, de nos actus animalités. Transparaît cette évidence que peu à peu la démence envahit toute notre existence. Dans le mondial casino que des mafieux gouvernent, c'est peu dire que le drapeau démocratique est en berne. Et c'est pas nos politiciens qui vont jouer les lumières, ils ont déjà un mal de chien à gérer leur carrière. Et y'a tous ces gens qui s'abîment, qui sombrent dans la déprime, ils pourraient pas bosser en intérim. pour le prix de l'essence. Aller et revenir dans l'autre sens, peut-être que ça donne du sens à l'existence. Y'aura pas de la place pour tout le monde sur le radeau. Y'en a pas mal qui vont passer à l'eau. Alors pour donner un coup de vernis à la misère, la presse tout à l'égout nous offre le dessert. Ragot certifié tradition et people chantilly. Chacun choisit son addiction, et le dealer s'enrichit. Mais comme je suis pas très tendance, peut-être que je prends pour de la décadence une petite régression sans importance. À moins que cette culture nouvelle tout droit jaillit des poubelles, ait l'intention de nous faire la vie plus belle, la vie plus belle, la vie plus belle. L'angoisse nous envahit, ça facilite le labeur de ceux qui souvent ont trahi leurs propres électeurs. Ça demande sécurité, caméra, délation, et ça permet de justifier toutes les répressions. Peur du chômage, peur de la mort, peur de la misère et qu'on sort. C'est pas ça qui va nous rendre plus forts. Si on sort pas de nos blocos, demain ce sera pas la noce, quand chacun voudra défendre son os. Son os! Y'aura pas de la place pour tout le monde sur le radeau. Y'en a pas mal qui vont passer à l'eau. Y'aura pas de la place pour tout le monde sur le radeau. Y'en a pas mal qui vont passer à l'eau. J'ai de plus en plus de mal à croire tout ce que j'entends. Ouais, de plus en plus de mal à croire tout ce que j'entends. J'ai de plus en plus de mal. Est-ce que Michel veut nous interpréter encore une chanson ? Voilà. Voilà. Une chanson que Vincent aime bien. Ça s'appelle Sur le pavé de la zone. Bien, très bien. Sur le pavé de la zone. Admirer la misère et cela muette et insolite, dégueulant ses entrailles sur le bord du trottoir, sur le pavé de la zone. La souffrance a posé ses longs doigts squelettiques sur la gorge assoiffée d'un bonheur trop avare. Sur le pavé de la zone, dans le fond des bistrots infestés de cafards, ça sent la moisissure, la merde et le tabac. Sur le pavé de la zone, on fait semblant de vivre, on fait semblant d'y croire. On y crève un matin, dévoré par les rats. Sur le pavé de la zone, ça fait longtemps que les gosses ne jouent plus aux Indiens. Ils rampent à tes genoux, demander le salut. Sur le pavé de la zone, c'est la loi de la jungle, la loi du plus malin. Tu es seul contre cent à défendre ton dû. sur le pavé de la zone. Les femmes qui n'ont pas le corps à faire du sentiment, pour un peu de monnaie, te font voir du pays. Sur le pavé de la zone, la mort joue à cache-cache la fleur entre les dents, entre la maladie, l'alcool et la folie. Dans ces rues-là, bourgeois, si tu y vas un jour, tu raseras les murs, tu trembleras de honte, t'auras la peur au sexe et la sueur aux tripes. Dans ces rues-là, bourgeois, si tu y vas un jour, tu raseras les murs, même avec un gorille, il ne te rateront pas. Bravo Michel, bravo Jean-Claude, bravo à tous les deux. Et maintenant, nous allons avoir un témoignage de l'importance de la minorité qui résiste avec l'eau qui mord. Et nous allons laisser la présentation à, Lise, à René-Lise. Alors, moi je suis une militante, on va dire, qui fait partie du collectif Eau. Bernard vous dira ce que c'est que le collectif. Voilà, le collectif Eau, c'est une lutte qui au départ n'était absolument pas portée par les médias. Aujourd'hui, on en parle un peu de la lutte de Vittel, mais quand ça a commencé il y a 6 ans, personne n'en parlait. Et les médias en parlaient d'autant moins que ça concernait quand même un grosse multinationale à la ville de Vittel, donc personne ne voulait en parler. Donc moi, j'en ai eu un petit peu marre, je me suis dit, ils font quand même des choses magnifiques au sein du collectif, je vais créer une page Facebook, et puis après, je vais créer un site, puis je vais créer une chaîne YouTube, c'est pas mon métier, hein, mais on s'est donné les moyens, avec l'eau qui mord, de parler nous-mêmes de notre lutte au départ. Voilà. Oui, alors maintenant, il faut nous expliquer. En fait, Bernard a eu vent de cette histoire par hasard. C'est ce hasard qui nous intéresse. Complètement par hasard. À la retraite, on a dit on va habiter Vittel dans la maison familiale de René-Lise. Parce qu'on se connaît un peu quand même. On se connaît depuis 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on se connaît en fait. Voilà, on s'est connus durant nos études. Et on arrive, disons, mi ou fin 2015 à Vittel. Ville idyllique, magnifique. Pas de mauvaises odeurs, que des bonnes choses. Une image très verte en réalité. Très pure. Très pure et très, très verte. Et là, pour voir la retraite passer un peu moins vite, on a décidé d'adhérer à l'association Vosgienne Oiseaux Nature, que tout le monde connaît. Et on s'est dit, on va passer notre temps dans la nature, etc. Et là, les copains d'Oiseaux Nature m'ont dit, tu voudrais pas nous représenter à la commission locale de l'eau, à Épinal. C'est quoi une commission locale de l'eau? Donc là, on apprend qu'il y a des commissions locales de l'eau dans les départements, que là où il y a des problèmes de flotte. D'accord? Et il me dit, puis t'iras voir le président de VNE parce qu'il a des doutes, travailler le dossier ensemble. Donc René-Lise et moi, et puis Jean-François Fleck, pour ne pas le nommer, fin 2015, on travaille d'arrache-pied tous les documents, le BRGM, Bureau de Recherche et de Géologie Minière, tout ce qui a été publié sur le sujet de l'eau de Vittel, on le potasse. On n'invente jamais aucune donnée, toutes les données qu'on prend, même si elles ne sont pas bonnes, elles sont ici de rapport officiel. D'accord? C'est pour établir notre crédibilité. Et la première fois que je siège à la commission locale de l'eau, c'était fin avril 2016, donc vous voyez, on avait eu 6 mois pour travailler, on s'était aperçu avec René-Lise que la présidente de la commission locale de l'eau avait le même nom qu'un cadre dirigeant de Nestlé à Vittel, et qu'elle était elle-même adjointe au maire de Vittel et conseillère départementale. Alors là, si je comprends bien, Bernard, tu avais ferré le gros poisson. Enfin, tu avais ferré quand même un poisson. Ferré un poisson, on aurait préféré ferré plus gros. Mais pour une entrée en matière, c'était excellent. Parce que je veux dire, c'est une accroche fantastique. On a tout de suite... j'ai d'abord vérifié l'information qu'elle était bien l'épouse d'eux. Ce que m'a confirmé quelqu'un du conseil départemental. Il m'a dit, ah, si ça se savait... J'ai dit, ça va se savoir. Hein, et on a immédiatement pris contact avec Anticor, qui a donc fait un signalement au procureur de la République, etc., etc. Le jugement a eu lieu après des reports successifs pour laisser passer les élections. Vous savez dans quel territoire on est. Hein, le jugement a eu lieu le 15 septembre de cette année. On attend le délibéré pour le 10 novembre. De la même année, et le procureur de la République, dans son réquisitoire, contre cette personne et contre la Vigie de l'eau, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une association qui apparaît bien sous tout rapport, mais qui en fait est un sous-marin de Nestlé dans le système, le procureur a demandé 6 mois de prison avec sursis, a demandé 5 ans de privation des droits civiques et 10 000 euros d'amende. Voilà. Hein, disons, donc, ce qui est important maintenant, qu'on a un peu vu le paysage, là vous avez compris quel était le paysage. Donc par hasard, ils se rendent compte qu'il y a un problème d'eau à Vittel, puisqu'il y a la clé, la commission locale de l'eau. Ok, d'accord. Ensuite, ils se rendent compte que ben il y a un poisson là-dedans qui est pas, l'eau n'est pas très claire, hein, c'est un peu trouble. Et ensuite de ça, quel était le vrai problème, René-Lise? Alors le vrai problème, pour le comprendre, il faut que je vous dise 2 mots sur Vittel. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est une station thermale qui est assez connue depuis la fin du 19e siècle. À Vittel, on reçoit des curistes qui viennent se soigner pour toutes sortes de maladies. Et puis surtout, on embouteille l'eau. On embouteille l'eau sous les marques Vittel, Épar et depuis un peu moins longtemps, un peu plus récemment, Contrex. Si on embouteille de l'eau, s'il y a une activité de thermalisme, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau. Moi, c'est toujours ce que j'ai cru à Vittel, qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'eau. On a 3 nappes d'eau sous les pieds. Hein, donc, les 2 premières, c'est l'embouteillage qui tape dedans, lui tout seul. Puis la 3e nappe, la plus profonde, c'est encore l'embouteillage qui tape dedans, mais c'est aussi la nappe qui fournit l'eau potable aux habitants, l'eau du robinet. Hein. Eh bien, il se trouve que... les embouteilleurs, c'était une famille au départ, et puis maintenant c'est Nestlé depuis 50 ans. Les embouteilleurs, ils ont tellement prélevé d'eau depuis 100 ans, 120 ans maintenant, ça fait 50 ans que Nestlé est là. Ils ont pompé tellement d'eau que le problème qu'on a découvert, c'est que la nappe qui fournit l'eau du robinet des habitants, bah, elle est menacée d'épuisement. Son niveau a considérablement baissé. Voilà. Alors, donc c'est ça le problème. Le problème c'est qu'on commence à Vittel à manquer d'eau. Voilà, donc là c'est un problème crucial. Et donc comment le problème a-t-il été résolu, Bernard? Alors certains voulaient le résoudre, ils n'ont pas réussi à le résoudre comme ils voulaient. Mais donc l'idée était vachement simple. Il faut que Nestlé puisse continuer son business dans la nappe profonde. Et pour ça, il faut expulser la population. Donc on sort la population de la nappe profonde, on lui amène une eau du robinet qui vient de 15 bornes de distance dans une autre nappe et Nestlé peut continuer son boulot. Et donc bien sûr on a... On l'amène par pipeline. Pour ceux qui connaissent la géographie, c'est de Valfroicourt à Vittel. Hein. On fait un pipeline là, souterrain, et puis la population boit cette flotte et on continue comme avant, on passe en Nouvelle-Ville, il y a plein de flottes, tout le monde est content. Mais en gros, manque de bol. Voilà, donc moi, c'est la première fois que je siégeais dans cette instance et je me suis opposé à ce scénario et ai été rejoint par 3 autres associations. Alors, c'est comme ça qu'on a fondé notre collectif, Catherine. C'est Oiseau Nature au départ, Vosges Nature Environnement, que vous connaissez bien sûr. C'est l'ASVPP, l'Association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions. Petite association très efficace. Et puis, heureusement, une association de consommateurs, UFC Que Choisir Vosges. Donc, il n'y a pas que les fous d'écologistes qui sont contre le pipeline. Il y a aussi des gens plus raisonnables qui défendent les consommateurs. Donc, on s'est opposé, bien sûr, à ce projet. On a monté un collectif qui s'appelle le collectif O88, comme en parlait René-Lise. Et puis, on a ferraillé. Hein. Et de 2016 jusqu'à fin 2019, on a ferraillé un peu en dehors des médias au départ, mais on a été rejoint par le système médiatique en 2018. Et donc l'État, fin 2019, a abandonné le projet de pipeline en disant « on s'est planté, on n'aurait jamais dû faire ça ». Et puis il y a le climat qui est en train peut-être de changer, ce qui était possible il y a quelques années, les moins, etc. Donc on retire notre projet de pipeline, voilà. Bon, alors d'accord, très bien, ils retirent leur pipeline, d'accord, ok. Mais Nestlé, là-dedans, il a résolu comment son petit problème, là? Parce qu'il a quand même un problème. Alors, retrait du pipeline, victoire pour nous, quand même. Oui, pour le ça, collectif. Alors, là, on est parce d'accord. Parce que Nestlé, l'État dit, c'est nous. On a tout d'un coup, on s'est rendu compte que cette commission de l'eau, là, faisait n'importe quoi. Alors, moi, l'État, j'ai décidé d'arrêter le pipeline. Puis Nestlé, dans ses communiqués de presse, dit... Oh non, mais on a vu que la nappe était menacée. Donc nous, Nestlé, avons décidé de nous retirer partiellement de la nappe. Voilà, c'est pour vous montrer les trucs de comme chacun essaye de récupérer le truc, mais c'est bel et bien notre victoire à nous. Donc la victoire de la minorité qui résiste. Une fois que le pipeline a été abandonné, il fallait quand même qu'il trouve une solution alternative. Donc Nestlé, qui voulait redorer son image quand même, salement atteinte après ces 3-4 années de lutte, a dit « Bon, eh bien, nous donnons l'autorisation au préfet de réduire notre autorisation de prélèvement. » Nestlé autorise le préfet à diminuer les autorisations de prélèvement. Donc, ils disent aujourd'hui qu'ils ne prélèvent plus que la moitié dans la nappe profonde de ce qu'ils prélevaient avant. Oui, mais ce qu'ils ne... C'est vrai. D'après ce que j'ai entendu dire, c'est pas contrôlé. Ah bah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est vrai, mais c'est ce qu'ils déclarent. Voilà. Je ne sais pas si c'est vrai, on ne peut pas le contrôler. Admettons que ce soit vrai. Ce qu'en tout cas Nestlé ne dit pas, c'est que quelques temps auparavant, il a obtenu l'autorisation de pomper plus dans la nappe du dessus. Donc il pompe moins en dessous, mais il pompe plus au-dessus, donc au final, il pompe toujours autant. Voilà. Sauf qu'ils sont en train d'épuiser notre nappe profonde. Ils l'avaient déjà bien entamée. Et là, ils vont en plus peut-être bien épuiser les nappes du dessus. Voilà, donc c'est ça notre souci aujourd'hui. C'est qu'en fait, la situation s'aggrave. Ils nous ont siphonné la nappe du fond. Ils vont nous siphonner la nappe du dessus. Et ils vont siphonner toutes les nappes. Et là, en ce moment, on ne va pas en parler là, mais ils mettent la main sur les rivières. Enfin, oui. Ils s'accaparent toute l'eau du secteur. Donc c'est très très grave. C'est de savoir, pour rebondir aussi sur la pipeline, c'est qu'ils ont créé quelque chose qui est, on va dire, ils ont mis une peau de mouton sur le loup. Oui, c'est ça. Alors, donc, il dit je diminue ici, mais je ne dis pas que j'augmente au-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Ils disent on a abandonné le pipeline là-bas qui vient de Valfroicourt. Mais en réalité, ils vont créer une autre canalisation qui vient d'une autre vallée pour faire la même chose, toujours pour amener une autre eau aux habitants pour permettre à Nestlé de rester avec ses pompages. Voilà. Et ça, bien sûr, ils ne l'appellent plus pipeline, ils l'appellent interconnexion. Oui. Interconnexion, ça fait solidaire, interconnexion. Voilà. Mais et donc, on n'est pas les villages, on les siphonne globalement et on les siphonne de plus en plus loin, quoi. Donc là, je voudrais rebondir sur ce qu'a parlé Bernard avant, le procès, le fameux procès qui a eu lieu ce 15 septembre. Donc c'est peut-être plus nous dire ce que vous avez obtenu par votre persévérance, parce que même si c'est un petit peu, on va dire, caduque, dans le sens que si je comprends bien, l'élu en question n'est plus élu... mais malgré tout, il y a quand même quelque chose qui a été décidé. Ben, je pense effectivement que tout le monde a joué la montre pour que tous les acteurs en place aient disparu au moment du procès. Donc en réalité, que ce soit au niveau de la préfecture, au niveau du conseil départemental, cette dame, Madame Pruvot, ne s'est pas représentée aux élections, ni municipales, ni cantonales, etc. Pas mal de fonctionnaires ont été mutés, le directeur des territoires, par exemple, qui devait en croquer un petit peu, quand même. Hein. Et donc, cette dame est apparue seule au procès, dépouillée de tout mandat. Donc, le système des Républicains dans les Vosges est préservé. Autrement, ça aurait fait, bien sûr, un scandale au niveau des élections. Mais ce qu'il faut dire, et c'est un peu croquignolesque, et pour dire quand même qu'on vit dans un système que je qualifierais gentiment de mafieux, hein, c'est que cette dame qui devait passer en procès d'abord en 2019, il faut savoir que le procureur de la République qui avait ouvert l'information judiciaire contre elle a été muté en 2018. Et juste avant d'être muté, il a fait une grosse conférence de presse avec l'Agence française anticorruption. Vous saviez que ça existait, ça ? Une agence française anticorruption qui a dit « super boulot du parquet d'Épinal, bravo, ça, elle va morfler ». J'ai le rapport, je peux vous le donner. Il s'exprime mieux que moi, mais c'est quand même ce qu'ils disent. Hein. Et puis, le successeur du procureur de la République qui arrive à Épinal, il s'appelle Heitz, son frère est procureur de Paris. Hein, et Nicolas Heitz, il arrive du ministère de Madame Belloubet. Donc, on s'est dit, ça va craindre. Il vient encore pour régler l'affaire Nestlé, mais dans le sens favorable à Nestlé. Et lui, qu'est-ce qu'il s'aperçoit en arrivant ? Que la vice-présidente du TGI d'Épinal n'est autre que l'épouse du directeur des usines Nestlé de Vittel contre Exéville. Donc, oui. Qu'est-ce qu'il fait ? En bon rugbyman, enfin, je ne sais pas, il prend le ballon, il le botte en touche et il dépayse l'affaire à Nancy. Et c'est pour ça que le procès a eu lieu à Nancy récemment. Donc, vous voyez comment tout le monde se tient dans ce système que je qualifie de mafieux. De mafieux. Vous pouvez parler de... Bien sûr. On peut parler de Ndrangheta, de Cosa Nostra, ou un autre système, mais c'est bien ça le sujet. Mais par rapport à l'importance de la résistance, de la minorité qui résiste, René Lys, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je voulais dire que pour le procès, on ne parle jamais que de cette femme politique qui est sacrifiée dans l'affaire. Hein, parce qu'en réalité, derrière elle, c'est toute la caste politique locale qui est impactée hein, par ce procès. Indirectement, ils ne sont pas prévenus, mais ça rejaillit quand même sur eux. Hein. Ils sont tous complices. Tous les élus sont complices de se laisser faire avec Nestlé. Donc cette femme politique est sacrifiée. Mais ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est qu'à côté de cette femme politique, il y a une association qui est prévenue dans le procès. Cette association, vous en avez peut-être entendu parler jusqu'ici, au Havre, elle s'appelle la Vigie de l'eau. C'est une association soi-disant indépendante qui, en réalité, a été créée à l'initiative de Nestlé il y a plusieurs années de cela. C'est une association qui prétend faire de la pédagogie scientifique, à caractère scientifique auprès des enfants. Hein, en réalité, il s'agit d'agir de sorte qu'ils aient des comportements dans l'avenir en adéquation avec les stratégies commerciales de Nestlé. Hein. Ça s'appelle de l'enrôlement, voilà, on peut dire ça comme ça. Bon, mais sous ces devants-là d'associations qui fait de l'éducation populaire, bah allons-y, pourquoi pas, détournons ce terme aussi, en réalité, cette association-là, elle a été créée pour faire de l'influence à l'intérieur même de la clé, hein, où elle a eu, on ne va pas détailler, mais elle a eu une fonction extrêmement importante à l'intérieur de la clé, elle a piloté toute la solution. Hein, donc ces gens-là, ils avaient dans la poche les schémas, les scénarios écrits par les services de recherche et développement de Nestlé, hein, et hop, ils les ont mis sur la table de la clé. Quoi. Donc là, donc, on se trouve... Cette association se trouve prévenue dans le procès, donc c'est quand même... quand on arrive à prévenir quelqu'un... Donc l'histoire de Vittel avec Nestlé, c'est pas très clair. C'est pas très clair. Non, voilà. C'est pas très clair, c'est nébuleux. Par contre, dans l'importance de la minorité qui résiste, on doit quand même parler ce soir de ce qui s'est passé en Allemagne. Ça, c'est une grande victoire aussi. Vas-y, Bernard, vas-y. Alors, effectivement, vous avez vu, pour certains d'entre vous, le film d'Arte, qui en fait a été tourné avec nous en janvier sous la neige, qui donne l'impression que Vittel est dans la Sibérie, alors que de la neige, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Mais peu importe, il y en avait. Il faut vous dire qu'avant ce film-là, pourquoi ce film a eu lieu ? C'est que les consommateurs allemands avec lesquels on est en lien avaient réussi à effondrer le marché de Vittel en Allemagne de 40%. Donc ça fait mal quand même. Hein. Et donc un réalisateur allemand qui était intéressé par le sujet est venu tourner un film à Vittel pour la chaîne Arte, chaîne franco-allemande. Donc on a tourné ça en janvier. On leur a montré deux décharges plastiques. Oui, ça sera un autre sujet. Dont une pour lesquelles on a fait une petite effraction et pour lesquelles on est convoqué par les gendarmes. Oui, ça c'est effraction, etc. On en parlera. Ouais. On a une plainte. Oui. C'est-à-dire, c'est les lanceurs d'alerte qui sont soumis à la plainte et le pollueur pilleur, lui. Porte plainte au niveau des tribunaux. À suivre, mais c'est intéressant. Et mais ce qui est important, c'est quand même cette victoire. Alors, effectivement, qui est quand même phénoménale. Ouais. Parce qu'au départ, on a l'eau qui mord, on a votre hasard qui vous est arrivé à vous deux, à René-Lise et Bernard, et ce hasard qui fait que ben, vous faites boule de neige, en fait. Mais la boule de neige, c'est une avalanche aujourd'hui en Allemagne. C'est vrai. Alors, on a été aidé en cela quand même par des journalistes qui travaillaient pour Mediapart. Et en 2018, ils ont fait l'outing du sujet. Et à partir de ce moment-là, les médias n'ont pas arrêté de défiler à Vittel. On en reçoit un tous les 15 jours facilement, essentiellement de Suisse, d'Allemagne. Un peu moins de France, mais ça commence à bouger quand même. Mmh. Hein. Et ça, c'est un sujet majeur. Donc, grâce à tout cet environnement médiatique, le film a été tourné. Il a été diffusé le 15 septembre, le 15 octobre même de cette année. Et non, le 15 septembre, pardon. Il a été diffusé en janvier. Le 19 octobre en Allemagne. 2021. Et dans la foulée, il y a deux éléments qui nous paraissent remarquables. Vous savez que les villes qui étaient concernées, c'était Volvic avec Danone, Vittel avec Nestlé et Lunebourg en Allemagne avec Coca-Cola. Eh bien, pour nous, Vittel, décision majeure en Allemagne, c'est que la chaîne de supermarchés Lidl, qui est la première chaîne de supermarchés allemande, fondée dans les années 30, souvenez-vous, a décidé de retirer toutes ces bouteilles de Vittel de ces supermarchés. Il n'y en aura plus une seule au 1er novembre. Et on a un communiqué de Lidl qui dit si en raison de la surexploitation de la nappe qui prive les habitants de son eau et... en raison des pollutions plastiques dans le sol de Vittel, etc. Donc ça, c'est quand même un sujet... Ça, c'est ce qu'on appelle une grande victoire. Donc oui. Là, c'est là qu'on voit l'importance, parce que la minorité, j'ai bien aimé ce que tu m'avais raconté, là, par rapport au départ, oui, mais t'es complotiste, t'es... Enfin, toute cette espèce de, je dirais, d'aura qu'il y a autour des minorités qui résistent, et avant qu'elles se fassent entendre. Et il y a quand même un grand pas entre tout ça. Et tu m'as raconté un peu ça au départ, on vous a traité un peu comment vous faisiez des entrées dans les cinémas pour faire des coupures. Oui, c'est ça. On a fait des, comme dirait le président, on a fait des actions disruptives. Hein, c'est comme ça qu'on dit, je crois, maintenant. Et on a fait des tout petits trucs à artisanat. C'était difficile. Voilà. Maintenant, ça a changé. On a eu deux victoires quand même. C'est la victoire du pipeline, comme tu le soulignais, et puis la victoire du retrait des bouteilles du marché allemand. Hein. Et mais la troisième victoire qui n'est quand même pas triste, c'est le journaliste qui termine par te remercier, or que c'était le même journaliste qui traitait de complotisme. Ça, c'est une belle victoire. Le journaliste de Vosges Matin dit qu'on est des détracteurs de Nestlé, et puis quelques jours plus tard, après les différents reportages, il dit lanceur d'alerte. Ah, on a changé de statut, etc. Et un copain me disait ça, il disait, tu verras dans les luttes, c'est toujours comme ça. Nous, on n'a pas l'habitude des luttes, hein, finalement, hein, sauf depuis qu'on est dans les Vosges. Il me disait, ça va toujours être le même truc. Et pour le pipeline et pour le plastique, on a les deux mêmes phénomènes. Au départ, les gens nous disent, ils n'y connaissent rien. Ils sont vraiment nuls. C'est ça qu'on nous dit. Hein. Puis ensuite, on travaille le dossier. Et quand on commence à monter en charge, là, en face de nous, on a l'État ou Nestlé qui dit « mais ils sont complotistes ». Comme ça, on ne discute plus. Le directeur des territoires de la préfecture nous a traités de complotistes devant 45 personnes en commission. C'est insupportable, je vous le dis franchement. Hein. Et puis à la fin, oh, finalement, vous aviez raison. D'accord ? Comme quoi, hein. C'est important, vraiment, de rester, je dirais, persévérant et en même temps de garder l'espérance. Et la foi, c'est la foi dans la vie. Hein. Je parle de rien de religieux, mais je parlerai de la foi, d'y croire, vraiment d'y croire. Si je peux me permettre. Oui, vas-y. Oui, y a une chose que je voudrais souligner aussi, que j'aime bien dans notre lutte, c'est qu'il y a notre petite minorité à nous sur Vittel. Mais ce que vous avez vu, par exemple, dans le reportage d'Arte, qui est un reportage qui porte une atteinte terrible à l'image, non pas seulement de Nestlé, mais aussi de Coca-Cola en Allemagne et aussi de Danone à Volvic, c'est que c'est une somme de minorités qui a permis d'arriver à ce stade de victoire potentielle. Hein, une petite minorité de militants à Vittel, une petite minorité de militants à Volvic, on les a rencontrés, ils sont comme nous, hein, ils ont peu de moyens. Une petite minorité de gens en Allemagne, une petite minorité de journalistes, parce que les journalistes qui nous ont aidés, qui ont porté notre lutte, ce sont des minorités, ce n'est pas BFM, ce n'est pas les télés nationales, hein. C'est quelques journalistes d'investigation qui se battent aussi comme des lions dans leur métier, quoi, pour faire passer leurs articles, qui sont des articles décapants. Et c'est une minorité politique qui nous a aidés aussi, parce que dans le reportage Arte, on voit notamment la députée Mathilde Panot, qui a présidé la commission d'enquête parlementaire, qui a fait un travail remarquable sur tous les problèmes de l'eau en France, hein, la mainmise des intérêts privés sur l'eau, et en particulier qui s'est attaquée au problème des multinationales qui embouteillent l'eau. C'est aussi une minorité politique. Donc, c'est cette somme de minorités qui, en s'alliant, en ayant, en attaquant le sujet par différents angles, aboutit à ce qu'au final, on est quand même un truc qui est pas mal. On monte en atteinte, en niveau d'atteinte de l'image de nos ennemis contre lesquels on ne peut rien parce qu'eux, ils ont l'argent. Et nous, on est fauchés. Voilà. Nous, tout ce qu'on a, c'est... ce que vous avez, c'est la foi de croire que vous êtes une minorité, d'accord, mais ce que vous défendez, ça vaut la peine d'être défendu. Oui. Je tiens à dire bravo à René-Lise et à Bernard. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et merci beaucoup de votre témoignage. Nous allons nous faire emmener dans un domaine totalement différent avec Mickey. Oui. Qui me regarde. Donc, Mickey va nous emmener vers d'autres horizons où on parlera le besoin de l'âme et de ce qui nous anime. Quoique, ça recoupe la bataille que font René-Lise et Bernard, c'est aussi ce qui les anime. C'est en fait notre âme, les choses profondes qu'on doit défendre. Alors voilà. Mickey, ben, je te laisse déjà te présenter. Oui, je suis Mickey Marie-Christine et je travaille dans une maison d'accueil spécialisée avec des personnes polyhandicapées. Je suis art-thérapeute et voilà, j'ai un très beau métier qui me permet de faire s'exprimer des personnes qui n'ont pas de, qui ont des tout petits moyens d'expression, voilà, qui la plupart ne parlent pas, la plupart ne gèrent pas bien ses gestes, ne marchent pas, enfin bref, voilà. Là, ça fait déjà un premier point pour faire partie de la minorité qui résiste. Et le deuxième point, en tant qu'art-thérapeute... Donc là, je me suis mise en disponibilité pour, voilà, pour résister à une obligation. À une obligation, voilà. Voilà. Et pour développer des projets, et en particulier un projet qui me tient vraiment à cœur, qui est de faire se rencontrer des personnes en besoin de ressourcement et des professionnels. Et ce besoin de ressourcement, voilà, c'est dans la nature. Et là, c'est le vaisseau. Ça s'appelle, ce serait de créer une association qui s'appellerait Le Vaisseau. Et qui voilà, œuvrerait dans la nature. La nature, pas comme matière première, mais comme partenaire, avec des professionnels de l'art, avec des professionnels de la santé, du corps, de voilà des animateurs nature. Mais tous ces besoins voilà. que tu énumères, ce sont des besoins. Est-ce que les institutions actuellement remplissent ces besoins? Alors, moi, je pars de mon constat de l'endroit où je travaille avec des personnes polyhandicapées qui montrent, expriment leurs besoins de nature et leur, enfin, le fait que ça leur fait tellement de bien, que ça les apaise. Ils ont voilà, évoqué les oiseaux, évoqué... les minéraux, les prendre dans la main, enfin, c'est pour eux vraiment essentiel. Mm-hmm. Mais effectivement, globalement, dans les institutions, on est loin de cette belle nature. Voilà, parce que bon, déjà dans notre maison d'accueil, tout est tellement c'est tellement difficile de les emmener à l'extérieur. Par les chemins, bon, bah, ils le font, c'est sûr, mais c'est quand même toutes des organisations très, très compliquées. Et ce projet avait un peu démarré avec un lieu ici, près de Bain-les-Bains. Oui, j'avais pensé que à la SCIC Bain d'énergie, qui recherche à héberger des projets qui pourraient animer donc la SIC. Voilà, on pouvait peut-être s'inscrire dans voilà, créer ce lieu à cet endroit-là parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a des beaux arbres, parce qu'on est directement dans la nature. Voilà, donc. Moi, je me suis inscrite au conseil coopératif de la SCIC. Et bon, voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'argent. Il faut, voilà, il faut que... Puis pas mal de travaux en attendant. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu... Voilà. Mais en attendant, le vaisseau a commencé une expérience nomade. Va commencer une expérience nomade, voilà. Donc je suis à la recherche de lieux dans la nature qui pourraient accueillir du monde. Au début peut-être pas grand monde, 4-5 personnes. Enfin des lieux qui puissent accueillir du public donc. Et voilà, peut-être des jardins avec quand même des structures où on puisse se rentrer quand il pleut, quand on a froid. Bah, pour l'instant, pas forcément d'hébergement, mais effectivement, un de nos objectifs, ce serait d'accueillir des aidants pour des moments de répit et aussi les personnes accompagnées. Donc, pourquoi pas d'hébergement, oui. Oui, parce que ce qui est important, effectivement, c'est de profiter de cette période de mise à disposition pour, effectivement, lancer ce projet. Tu avais une adresse mail à nous communiquer pour les personnes qui seront intéressées et qui veulent te demander plus de renseignements. Oui, donc c'est tout attaché, levaisseauressources@gmail.com. J'ose demander, le vaisseau ressources, ressources avec un S ou sans S? Sans S. Alors voilà, le vaisseau ressources, tout attaché, sans S, donc @gmail.com. Bien, eh ben, écoute, je pense qu'effectivement, ce projet est un très très beau projet, qui effectivement correspond à un besoin actuel, qui est d'être animé de quelque chose de fondamental qui fait vibrer notre âme avec l'aide de la nature, de tous les moyens créatifs qu'on peut avoir et de se connecter avec toute cette richesse qu'on a autour de nous. Merci beaucoup, Mickey. Merci. Et puis, ben, nous pouvons l'applaudir pour tout le travail qu'elle fait. Alors maintenant, nous allons passer la parole à Vincent Descombis pour une qui va nous plonger dans une œuvre théâtrale digne du thème de la soirée. Oui, en fait, oui, j'en parlerai brièvement. C'était... Prends le micro, s'il te plaît. Non, voilà, recommence. Voilà. Ouais, j'en parlerai juste brièvement. L'autre jour, sur France Culture, j'ai écouté une pièce de Stefano Massini par la Comédie Française. Donc, c'est un fait divers qui s'est réellement passé dans une usine à Issaingeau en 2012, en fait. Oui, et c'est un auteur italien qui a repris ça. Ça s'appelle Comité de grève 7 minutes. Oui, seulement alors, ça a vraiment eu un lien direct avec l'importance de la minorité qui résiste. Oui. Ça a vraiment un lien très direct. En fait, donc là, simplement je vais raconter ce que j'ai entendu. Oui. C'est une pièce d'une heure et demie dans laquelle une déléguée d'usine est enfermée avec les cadres des repreneurs d'une usine, si je comprends bien. Et pendant 4 heures, elle est dans une pièce. Et à côté, ben, il y a les 10 ou 11 autres personnes du comité d'usine qui représentent 200 ouvrières. Une usine textile, hein, qui attendent. Et qu'est-ce qui se passe pendant 4 heures? C'est long. Alors, bon, au début, ça commence comme ça. Et arrive la déléguée. Et la déléguée, au bout de 4 heures, elle est à la fois elle est stupéfaite et tout à fait interdite de ce qu'elle va raconter à ses camarades. Elle a simplement une lettre de la direction, de la nouvelle direction, à donner à chacune déjà des délégués. Et cette lettre, elle hésite à l'ouvrir, la déléguée, puis elle va l'ouvrir. C'est simplement, il était question que l'usine licencie tout le personnel, ou bien qu'on craignait qu'il y ait des baisses de salaire énormes. Non, rien de tout cela. Une simple lettre dans laquelle l'usine, les patrons, disent « Écoutez, vous perdez rien, on licencie personne et on vous demande simplement de renoncer à 7 minutes par jour de pause. » D'ailleurs, la pièce s'appelle « Comité d'usine, comité de grève, non, comité d'usine, 7 minutes. » Voilà. Et... Alors, toutes les déléguées, c'est super, c'est extra. 7 minutes, qu'est-ce que c'est que 7 minutes? Alors, il n'y en a qu'une qui est vraiment interdite, c'est la déléguée qui était avec les patrons, parce que c'est dit, il y a un loup, là-dessous. Et il y a plusieurs... Alors, chacune des déléguées, chacune des représentantes s'explique, et chacune a envie de garder son boulot, quoi. On risquait de perdre le boulot, on peut bien donner 7 minutes, c'est pas grand-chose. La direction nous demande simplement de faire un petit geste. Voilà. Et après, tout le processus de la pièce que vous pouvez écouter en podcast, d'ailleurs, ce serait mieux que moi. Donc, cette pièce nous montre comment la déléguée... Alors, il y a un premier vote où il y a une seule voix contre celle de la déléguée qui était dans la discussion. D'ailleurs, ça passe par toutes les contradictions qui peuvent exister. Telle ouvrière... Tel ouvrier est immigré, alors dis-moi, de toute façon, je suis bien content d'avoir du travail. Vous ne savez pas, pour moi, les lois sociales, je suis bien content de les avoir telles qu'elles sont. Et bon, chacun tourne, et il y a un premier vote dans lequel l'ultra-minoritaire, est ultra-minoritaire, avec une seule voix contre. Puis ça tourne, et peu à peu, ça finit par tourner, elle commence à faire le calcul. Quoi, 7 minutes par jour, ça fait 600 heures pour les ouvrières, multipliées par 200. Et peu à peu, on voit dans la pièce les positions changer. Et chacune des déléguées finit, la majorité finit par s'effriter avec des explications, voilà. Et in fine, on se retrouve avec 4 contre 4 et on ne va pas savoir qui l'a emporté. Alors j'ai essayé de savoir ce qui s'est passé à Issaint-Jean, vraiment, j'ai pas trouvé, on n'a pas le, tout à l'heure j'ai regardé pour, sur internet, ça passe pas ici, ou du moins moi je l'ai pas trouvé. Alors je sais pas, le suspense reste là, parce que la déléguée, elle en a marre, la déléguée, la première déléguée s'en va, démissionne, et il se retrouve à 4 ou 5 contre 5, et ça dépend, il y a une voix qui va faire pencher et la pièce finit là. On ne sait pas ce qui va être décidé. Alors, l'argumentation, c'est simplement que, bon, 7 minutes, oui, ouais, mais alors après, si nous, on lâche dans les autres usines, ça va être pareil. Et on commence à lâcher là, et puis après, le coup d'après... Ça me rappelle quelque chose, voilà, moi, ça. Ça me rappelle un peu ce qui passe avec le passe. Mais voilà, ouais, ça me rappelle un peu ça. Voilà. Mais qu'est-ce que ça peut faire, une petite piqûre, voilà. Allez. Voilà. Et puis, simplement, on teste pour tester la docilité des gens. Oui. Et c'est vrai que l'argument, c'est que si on commence, bah, s'il n'y avait pas cette nana qui s'est opposée, eh ben, tout était plié d'entrée. Et en fait, après, ça risquait de faire boule de neige dans les autres usines, avec la presse, tout ça. Voilà. Ouais. Alors voilà, simplement, c'est ça que je voulais dire. Sinon, j'ai fait un petit texte, si je peux, qui essaie de voir comment où se fonde l'idée de résistance. D'accord. Voilà. Alors, c'est un cahier. Voilà. Et si j'y vois, voilà. Parce que c'est un texte que j'ai fait il y a 2-3 jours quand on en a parlé. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Seul à avoir raison ou des raisons, ancré dans le ciel immuable des archétypes, Platon, traversant la caverne d'ombre des illusions et opinions, lumière déformée, absolu alors d'une verticalité qui fait que je m'oppose, ou bien orgueil de ne pas être poli, polissé, aplani, aplati, massifié. D'où vient cette solitude de l'être qui ose, outrecuide, outrepense, outrepasse ? Et en est-il sûr ? N'a-t-il pas surtout un besoin singulier de se singulariser ? Je est un autre. Et moi, émotion, motion de censure, veto, halte-là. Deuxième page. Le miroir déformé... des vérités fantômes se déphasent sur l'écran de nos cerveaux saturés. Quid ? De quoi est fait la vie ? Sentiment de l'immense possible, des frontières d'un cerveau encarté, encaissé ou haussé, annossé dans son boîtier provisoire. L'infini n'est pas notre et il est pourtant proche. Franchir la barrière, voilà le geste barrière, de saut au-dessus et pas comme des moutons. Comme le cheval ailé qui franchit les espaces du temps, des rêves, Pégase, Sleipnir. Beaucoup de pas fantastiques ont laissé leur empreinte dans le roc, désignant leur bond que la conscience parfois héroïque fait. Ça, c'est des légendes, en fait. C'est pas fini. N'applaudissez pas. N'applaudissez pas, il y a encore... pas longtemps. Oh. Non, n'ayez pas peur. Non, il y a une page. On n'a pas peur, on y va. Il faudra applaudir qu'à la fin, et encore... Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Il a fallu aussi se briser aux portes de la perception. Être seul au moment, face au grand vide ou grand plein, cosmos, comique, ou comme union avec les étoiles. Va voir là-haut, si tu y es. Alors, de la voix singulière qui a vu, dit, poétisé, communié, un autre possible naît. La fissure de la caverne s'ouvre. Ah, si, et si, aussi. Alors, du présent lourd, s'ouvre la carapace et l'humaine prend axe dans un autre point d'orgue. Penser vers le futur que l'on ne voyait pas. De se dire profond vient l'axe de la Terre aux galaxies. Chant polaire. Merci Vincent, merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent. Très intéressante cette pièce de théâtre parce que je trouve ça interpellant quand même, voilà. Ce côté. Oui, mais c'est quoi 7 minutes de pause? Ben oui, c'est quoi? Une petite piqûre? Hein, oui, pourquoi pas? C'est pas grand-chose, ben non. Mais c'est quand même important de se remettre en question puis de se dire oui, non, c'est à nous de choisir quand même. C'est important qu'on puisse choisir. On va avoir, on va passer le micro à notre ami Filmo. Eh bien, bonsoir, qui va nous faire qui va nous faire notre petite minute décalée. Oui, eh bien, j'ai repris un peu ce que vous aviez fait. Alors, je reprends les mots minorités qui résistent. Hein. Faisons-nous partie de ce mouvement. Alors, j'en connais qui s'appelaient les Aïnous, les Anouis, c'était au Japon. Eh bien, ils ont disparu maintenant. Alors, c'était des très bons guérisseurs. Hein. Alors, nous voilà tous malades, peut-être. Mais il y a Claude Vautrin qui lui retranscrit les civilisations perdues. Alors avant qu'on y arrive, allons voir Claude, peut-être, hein, il va nous rassurer, lui, sur l'événement. Alors parlons des gens qui sont intervenus. Alors on a Michel, on a Michel Génini à côté d'un nouveau Coringe. Hein. Là tu nous as fait du Coringe, hein, c'est plus Michel Génini, là c'est Michel Coringe. Hein. Mais alors sur des airs, un son, c'est paroles perso, super des paroles perso, parce qu'on reprend tous des textes et Jean-Claude, il en fait partie. Ce sont des créateurs, c'est ça qu'on aime. Donc voici Jean-Claude de palace à village, couvert de Vosges à Bangkok. Alors pourquoi Bangkok, j'en sais rien. Ça m'a inspiré. Alors j'ai référence à Catherine. Le vrai pied d'être en salon privé, là, de Maupassant à Aristote ôté. Et alors, il nous reste une guitare dans l'espace du décor, là le son d'un vorgidé raté, dans tout l'espace d'une maison plantée, le socle d'un statulaire de l'intérieur. C'est par assurance ce qu'ils racontent, là, des calculs, ils ont des calculs, le calculus. C'est rassurant, en fait, une force incroyable, nous dit-il. Ben, alors, il nous parle d'actionnaires, je ne veux pas dire que j'ai tout compris. Hein. Non, on n'est pas tous... Peut-être. Alors, moi, je connais du binaire 00000001 au voluptère, assurément prospère, les actionnaires. C'était ça qu'il fallait comprendre. Alors, en fait... C'est quoi, pardon ? J'ai pas bien compris. T'as pas bien compris non plus. Donc, comme ça, on reprendra. Sur le dos, alors là, sur le dos, hein, quand même, le dos. La, sourire, quelle vibration, hein, Jean-Claude, hein, quelle vibration. Soudain, les murs ont habité le spectacle. Ou c'est moi qui suis bien planté, je ne sais pas trop bien. J'ai écrit « Quelle start le confiné du terroir, le sens de la passion en acoustique intime, le fruit des couleurs, avec du primaire, on fait de la palette. » Avec du primaire, on fait de la palette, hein, le couleur primaire, quoi. Sortie musique du retour. C'est puissant en marché couvert. En fait, c'est des ultra-puissances d'hier, mais d'aujourd'hui. Il faut les faire réapparaître, les gars-là. Ils sont pas finis. Hein. Oui, je suis d'accord. On va y aller. Hein. Et Georges Brassens, lui, il est réapparu à quel âge à la télé? Soudain. Hein, on ne le connaissait pas. Sortie musique du retour, les sons réseau, canal, la ligne, le réseau, les gars du soir, afro du coin perdu. Le réseau qui a de la fibre. Un réseau qui a de la fibre, les deux, là. Et puis, pour continuer, dans l'importance de la situation de Bernard et René-Lise, eh ben, c'est vraiment pas une minorité que vous représentez. Hein, on est tous d'accord, on va multiplier tout ça. Et puis, l'eau qui mord, eh ben, c'est un bon, ça vraiment, ça choque, ça vexe, ça blesse. Il faut que ça rebondisse. Hein, puis que ce soit fluide, hein, surtout, hein, je crois. Et j'ai bien aimé la clé, la commission locale de l'eau, c'est la vérité, ça existe comme ça. Hein. Et puis le nom collectif, alors je crois que c'est un subterfuge que vous devriez établir, c'est de vous dire collectif, mais suggérer une autre entrée par le mot. Personnellement, hein, je me permettrais de dire ça. Mais le buvet éliminé du vitel, du vélo, vitel et pédalo, on s'est fait griller là. Hein. Alors là, on est grillé. Hein. Alors en 2016, en 6 mois, vous avez monté un dossier. Alors là, c'est la classe. Et puis en 2021, le 15 septembre, c'était jugement pour inaptitude et donc substitution de dossier. Qu'est-ce qu'on va dire ? Corruption simple. Et puis, moi, j'ai mis contrat d'inaptitude. Comme ça, vraiment, il y a des gens, ils sont placés, on ne sait pas trop comment. Hein. Et écologiste dont l'âme vous l'êtes, aux personnes d'accès, et de nappe en nappe profonde, veillez à constater l'empereur Nestlé, surtout, n'hésitez pas. On a tous essayé, moi j'ai personnellement aussi le sujet en tête. Et l'agence française anticorruption, mais où sommes-nous ? Hein, il faudrait qu'on le soit tous, non, vous ne croyez pas ? C'est nous l'anticorruption, non, vous ne croyez pas ? Oui, si. Soyons-le. Mais oui, soyons-le. Soyons fous. Carrément. La vigie de l'eau de la sauce, soi-disant enrôlement à Nestlé, bon, on passe, perte et fracas. Également, victoire en Allemagne, alors là, arrosé, hein, quand même, l'Allemagne, là, au moins, c'est arrosé, là-bas. Et puis, hein, ils boivent encore bien, hein, je crois, hein, même les grands-pères. Hein. Et l'Arte victoire, on va dire, Mediapart, alors là, la classe, alors là, non, mais si, il faut y aller. Le film, alors là, ben, c'est surtout l'ouverture qu'il faut continuer. Il faut continuer à faire des films, je pense. Bonne médiation, ça passe comme ça. Le retrait de 40% des eaux de vitesse sur le marché allemand, bon, ben, moi, je dis varier les eaux, hein. C'est pas que Vittel qu'on a dans la tête, hein. Et sur le marché allemand, donc, traité de complotiste. Mais qu'est-ce là, donc ? Mais qu'est-ce ce mot, donc, inconnu, hein ? On ne connaît pas ce mot-là. Finalement, vous avez raison. Et vous, consommateurs, variez les eaux. Car prenez soin des Vosgiens qui sèchent. Sur le sujet, hein, voilà. Et puis Mickey, alors là, la coopératrice de notre émotion, qui d'une voix si translucide nous évoque les difficultés simples qui peuvent se rassurer en quelques instants dans une pleine nature contre le handicap. Alors là, on dit bravo, hein, là, ouais, c'est... vraiment. C'était... Voilà, on recommence, on applaudit, là. Et c'était le bateau ressources, hein, c'est ça ? Bateau ressources, hein, qu'on retient. Vaisseau, pardon. Et puis, sur le final, on a un Vincent qui est à coutume drôlastique. Hein, c'est quand même plaisant d'écouter Vincent. Et ben moi, de la connaissance au comité de grève en 7 minutes... Là, j'avoue que la déléguée d'usine, elle a du souci à se faire avec 2200 ouvrières dessus. Moi, je me dis ça. Et puis, au sommet des stupéfactions, la contradiction du débat de la vertige et illicite à argumentation globale d'une décision nouvelle. Alors, suivez le débat, parce que là, ça demande du théâtre. C'était du théâtre qui nous a fait. Et au sujet, à ce sujet... Pour résumer le texte de Vincent que j'ai compris à ma façon, eh bien, moi j'ai dit, on évolue, puis on se transforme. Bravo. Merci, Gino. Bravo. Merci beaucoup pour cette minute décalée. Vous l'avez bien vu que c'était une minute décalée. Il faut suivre, hein. Mais quand on suit, ça... Bon, vous pourrez le réécouter en podcast et le réécouter sur la radio de nouveau parce qu'il faut l'écouter plusieurs fois. Mais après plusieurs fois, on se dit « Ah, c'est ça. Ah ouais !» Parce qu'il est rapide, hein. Il est très rapide. Nous, on va à 20 à l'heure à côté de lui. Hein, donc, mais il y a des choses vraiment très intéressantes. On va passer à... On va passer à notre splendide Françoise qui a fait tomber les lunettes. Bouge pas. Pas marché dessus, voilà. Si, elle a marché dessus. Oh, bah, ça fait rien. Ah bon ? Bon, alors, c'est pas grave. Elle va nous faire un acrostiche. Donc, l'acrostiche, j'explique. C'est elle prend associativement vôtre, qui est le titre de l'émission, en verticale. Et puis, elle prend chaque première lettre pour faire une phrase. elle a fait le thème avec l'importance de la minorité qui réside. Ah oui. Voilà. En soi, je viens de Forêt-Noire. En fait. Oui, elle vient de Forêt-Noire et entre autres, elle a fait un arrêt à la Bresse. Voilà. Et de la Bresse. Associativement vôtre, c'est associé à ralentir pour vivre. Simplement, un seul nom n'était plus suffisant. Sociable, une association doit le rester. Et opter pour un double nom, c'est opter pour la minorité qui résiste. C'est la solution optimale pour devenir un jour une majorité idéale qui n'aurait plus besoin de résister pour vivre sainement. Avant d'obtenir ce résultat, tous les gens devront rester très actifs. Toute l'humanité a déjà pris conscience qu'elle peut modifier ses comportements et insister pour gagner la bataille contre le réchauffement climatique. Vouloir vivre cette révolution est déjà en train de bouleverser les vies et touche tous les pays, toutes les couches de la société et toutes les générations. Mutation qui devra mettre en œuvre de nouvelles idées et formes de vie. Et il faudra aller à la rencontre d'autres associations nettement engagées pour expérimenter la transition écologique. Tout le monde devra se donner la main pour préparer le monde de demain. Voici la voie pour innover, lutter et bousculer les pratiques. Oh oui, c'est notre but à tous d'avoir une influence positive sur le climat et la biodiversité. Tâche difficile, mais tellement noble. Responsable, nous devons l'être et le rester, et faire évoluer les choses pour les générations futures. Bravo! Merci Françoise! Maintenant, nous allons passer à un texte c'est Sylvie qui nous offre un texte qui nous entraînera dans un tourbillon de mots révélateurs. Je laisse la parole à Sylvie. C'est tout nouveau, Catherine. Ça fait 3 fois en quelques mois qu'elle me propose d'écrire des textes et je sors ça en spontané en quelques minutes. J'ai un petit peu rechigné, puis voilà, je l'ai quand même fait pour ce soir. Alors, l'importance de la minorité qui résiste. La solidarité d'un flot de gouttes d'eau qui s'assemble et qui existe. L'ignorance de la majorité qui persiste. Quelle différence! Une humanité en errance qui subsiste, une danse pour l'éternité futuriste, une transe de l'intensité d'un artiste, la voyance d'un autiste en toute intégrité, la magnificence de la beauté surréaliste, la richesse de la particularité de la liberté, un lien, tel un rituel pour perpétuer des messages, pour tous les sages informels qui veulent juste se réveiller. Une délivrance de l'honnêteté bouddhiste, quelle croyance reflétée pour un touriste? Le silence répété d'un soliste? L'émergence de la créativité d'un graphiste? L'exubérance survoltée d'un royaliste? La vengeance agitée d'un raciste? La surveillance délitée des nationalistes? Les vacances répétées des activistes? L'exubérance confrontée des anticonformistes? L'urgence effrontée des arrivistes? Une liste qui peut continuer pour agrémenter la semence d'une délivrance pacifiste ou activiste. Se réunir, se divertir, se nourrir, se sourire, se dire, se servir. Oser, chanter, créer, parler, danser. Aimer, partager et jouer. Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Bravo Sylvie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et on va avoir un texte de Jean-Claude. Pandora Papers, il est où? Ah, dans la poche, il existe. Voilà. Alors, Catherine, elle est insupportable parce que... elle me téléphone et puis c'était juste après que l'information tombe sur les Pandora Papers. Ça me met en colère comme beaucoup d'entre nous, je pense. Et moi, je prends un papier puis j'écris. Voilà. C'est un exutoire aussi. Ça fait, voilà. Et je lui lis le papier, puis elle me dit « Ah, mais c'est impeccable pour la soirée qu'on va faire, tout ça. » Je dis « Mais oui, mais bon. » Puis j'ai pas fini, en fait. C'est un truc, vous allez voir, c'est un peu frustrant, parce que j'ai commencé, puis j'ai pas fini. Mais bon, alors, voilà. Je vais dire, quelquefois, les bébés qui viennent avant terme sont des beaux bébés. Hein. Oui, c'est d'accord. Pas parce qu'ils sont pas tout à fait finis qu'ils sont pas des beaux bébés. Donc là, c'est un très beau bébé. Voilà. Et voilà, on a ouvert la boîte de Pandore d'où s'échappent tous les maux de l'humanité. Dans l'histoire originelle, seule l'espérance reste au fond de la boîte. La boîte est ouverte et après. Depuis les révélations des premiers lanceurs d'alerte, salut Antoine, au Pandora Papers actuel, le constat à faire est que plus on avance dans le temps et plus le volume de ces affaires et du fric qui s'y rattache devient colossal, démesuré, monstrueux. On aurait pu penser qu'après chaque épisode de cette série sans pareil, on irait vers un amoindrissement de ces perversions capitalistes. Mais non, au contraire, c'est à chaque fois plus gigantesque et chaque fois nous découvrons déconcertés les noms ou les statuts des auteurs. Aujourd'hui, 35 chefs d'État, 130 milliardaires, 300 responsables politiques de premier plan et quelques 600 Français plus ou moins riches ou connus. En fait, ce qui s'intensifie, c'est cette vague d'immoralité obscène qui contamine puissamment les possédants du pouvoir et de l'argent. À tel point que certains d'entre eux n'ont même pas hésité à s'afficher dans des commissions chargées de lutter contre la corruption. Comme ces personnages tiennent le haut du pavé dans les médias, nationaux ou internationaux, et qu'à ce titre-là, ils se doivent, normalement, d'être exemplaires, ils le sont, certes, mais dans l'indécence grossière, dans la malhonnêteté crasse. Ainsi, par un effet de banalisation auquel s'ajoute le panurgisme qui qualifie les masses, chaque individu, surtout s'il se trouve dans une situation sociale ou émotionnelle inconfortable, chaque individu peut s'autoriser à enfreindre la morale et ou les lois, puisque ses modèles le font. Cette transgression pourra prendre une forme délictuelle, préjudiciable, vol, trafic, violence, vandalisme, etc., ou l'abandon à un totalitarisme politique, à une idéologie dictatoriale, ce type de doctrine qui joue sur le registre de l'émotion aveugle. Et là, je cite quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean Maisondieu, qui dit « Savoir mener les foules à l'émotion ne nécessite pas un talent particulier si les foules elles-mêmes ne demandent que cela. Elles le demandent toujours lorsqu'elles souhaitent s'épargner une réflexion dérangeante. » Mais cette transgression pourra aussi trouver à s'exprimer dans la désobéissance civile, à la fois pacifique et non violente, légitimée par une démarche réclamant la réelle et effective mise en application des valeurs qui fondent notre société, liberté, égalité et fraternité. Ces formes très différentes de rébellion auront à subir, de façon justifiée ou non, les mêmes répressions. Voilà. On est bien dans le vif du sujet quand même, là. Heureusement qu'il y a des minorités qui résistent contre toute cette corruption et tout ça. Je vais proposer un tour de table, mais réfléchissez déjà à chacun de vous qu'est-ce que ça représente pour vous, l'importance de la minorité qui résiste. Tu vas être la première personne, Michel, à nous dire ce que tu penses de l'importance de la minorité qui résiste. Ben c'est comme disait Secondino, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc il ne faut pas désespérer si on est une minorité. Il faut donc continuer à se battre contre les injustices pour pouvoir faire prendre conscience aux gens, à une grande majorité, des choses qui sont à réfléchir, à revoir dans les années à venir. C'est comme ça qu'on pourra changer notre monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Voilà. Eh bien... Je sens qu'elle ne sait pas que c'est à elle de parler. Sylvie, que penses-tu de l'importance de la minorité qui résiste ? La première chose qui m'est venue, moi, c'est le petit colibri. Voilà. Oui, d'accord. Et après, j'ai joué avec des mots et c'est... Oui, ça rejoint l'idée pareil. Plusieurs petites choses cumulées font des grandes choses. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Bravo. Et je voulais faire d'abord sur quelque chose sur le colibri, puis j'ai dit bah non. Mais sinon, c'est la première image qui m'est venue. Ouais. Oui, bah c'est bien. Voilà. On va tourner. Oui, les minorités résistantes doivent résister encore plus jusqu'à ce qu'elles deviennent, comme je l'ai dit dans mon acrostiche, une majorité idéale qui n'aurait plus besoin de minorité. Merci Françoise. Dorothée ? Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est déjà la prise de conscience d'une différence. Quand on commence à se dire, je pense pas, je me sens différente. Que faire de cette différence, en fait ? Je trouve que c'est quelquefois très compliqué, justement, d'oser avancer, d'oser peut-être ce que vous avez fait. Et voilà, moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, justement. Merci Dorothée. Mélanie. Mélanie qui a l'air toute surprise d'avoir le micro dans les mains. Alors l'importance de la minorité qui résiste. Moi déjà résiste, ça me fait... Enfin je trouve que c'est quelque chose de pas agréable et très personnel. C'est déjà une boule au fond de la gorge, un point dans le cœur, une sensation de dire tiens je suis pas bien ici, tiens j'aime pas ce que j'entends. Tiens, ça me dérange et je me sens pas bien. Et la minorité, c'est à un moment où on croise une deuxième personne ou une troisième qui finalement ressent un peu la même chose, cette gêne. Et on partage comme ça un sentiment et de différence ou d'injustice face au monde. Et ça crée, c'est un lien en fait, le lien qui est vraiment important. Parce que quand on rencontre d'un seul coup, on croise le regard de quelqu'un qui pense pareil que nous. Voilà, c'est ça crée une chaleur dans le cœur, une ouverture du cœur à un lien. Et moi, à plusieurs moments, j'ai ressenti ça, ce lien. Et ça m'a fait comme un grand soulagement d'un seul coup. L'homme n'est pas un poids, unil, un poids qui s'enlève des épaules. J'ai dit non, on n'est pas tout seul face à tout ça. On n'est peut-être pas nombreux. C'est peut-être une minorité, mais on n'est pas tout seul. Il faut se relier. Et donc c'est ce lien là qui est très important. Très important. Continuer à parler, à oser dire les choses, même si des fois on est différent, même si on s'en prend plein la gueule quand on sort des idées qui sont différentes. Merci Mélanie. André, il a l'air de... Oui, d'accord avec le micro ou pas d'accord ? Je dirais tout d'abord bravo à tous parce que les minorités, elles sont, on voit bien, donc nécessaires. Parce que si on veut avancer un peu dans la vie ou avancer dans les problèmes planétaires, on va dire, aujourd'hui qui existent, c'est bien grâce à des minorités qu'on avance, quoi. Donc, il faut, comme disait, je ne sais plus le prénom, beaucoup de minorités. Françoise, beaucoup de minorités pour arriver à une majorité, quoi, en fait, quoi. Mais malheureusement... quand on sort d'une minorité, il y a beaucoup de gens qui vont vers d'autres chemins également aussi. Donc, les minorités seront toujours être nécessaires. Quoi, en fait. Merci, André. Fred. Ah là là. Ah là là, oui, voilà. Ni content, ni pas content, non. Mais avant de parler de minorités qui résistent, je pense qu'il est important de parler déjà de minorités qui fait chier le monde, quoi. Parce que, en fait, si on se rend compte qu'une minorité, soi-disant minoritaire, qui se bat contre pour l'eau à un endroit, pour l'eau ailleurs, pour la santé là, pour ci, pour ça, en fin de compte, on se rend compte que toute cette grappe de minorités, face à la minorité qui fait chier, elle est majoritaire. Quoi. Et qu'elle, en fin de compte, on se bat toujours contre la même minorité. Quoi. Donc, minorité, majorité, oui. En fait, l'art de cette minorité, c'est de faire passer la majorité pour une minorité, voilà. Oui, donc, oui, c'est un inversement, oui. Ouais, à tous les niveaux, il n'y a que ça, il n'y a que des inversements. Oui. Au niveau du sens, on renverse tous les sens pour mieux... pour moi, c'est une poignée de sadiques qui rendent complètement maso la planète, quoi. Mmh. Voilà. Merci Fred pour cet aperçu, on va dire oui, enfin qui fait un peu froid dans le dos, on va dire ça comme ça. Delphine. Alors moi, c'est le mot résiste qui me fait réagir. Résiste, prouve que tu existes. Mmh. C'est pas de moi. Et ce qui me fait aussi réfléchir, c'est est-ce que finalement la minorité, elle n'est pas dans chacun d'entre nous. À partir du moment où on accepte de chercher en soi les valeurs auxquelles on a envie de se connecter. Et après, ce qui est difficile, c'est peut-être d'oser affirmer ses valeurs. Mmh. De se regrouper et de se battre pour elle. Donc c'est tout un cheminement de soi avec soi déjà, et puis peut-être de se connecter aussi à d'autres personnes pour essayer d'aller vers un autre monde. Parce que je pense que globalement, et notamment les jeunes aujourd'hui, le monde là tel qu'on nous le propose, il n'est pas entendable en l'état, quoi. Mmh. Voilà. Ben c'est très bien. Merci beaucoup, Delphine. Segundino. Ben, puisqu'on parle de minorité, je veux dire, avant tout, c'est un rapport de force qu'on voit. Et le mot minorité ne veut rien dire. Et le mot majorité ne veut rien dire non plus. Parce que dans ce rapport de force, le nombre ne fait pas la force. C'est la volonté, les arguments. On peut se présenter même comme plus fort que cette majorité. On n'a pas toujours vu différents affronts avec forcément la majorité qui gagne. Je veux dire en gros qu'un petit fruit tombe de l'arbre. Il peut reproduire un gros arbre. Une petite graine fait un gros arbre. Voilà. C'est gentil. Merci bien. C'est bien dit. Merci, Segundino. Là, on va voir Guillaume, qui a l'air à l'aise, pas trop. Ça va? Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, Guillaume? J'ai pas pris trop le temps de réfléchir, du coup. Mais ce qui me vient, en fait, en écoutant un petit peu les différents points de vue... Moi, je m'interrogerais un petit peu sur qu'est-ce qui fait qu'il y a des minorités, en fait, selon le contexte. Est-ce qu'il y a une différence dans un nombre de personnes, finalement? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une minorité qui se crée? Voilà, c'est ça la question que j'investiguerai un petit peu. Est-ce que cette minorité, elle est là à cause de peut-être d'un manque d'intérêt d'une plus grande partie des personnes? Ou peut-être d'ignorance, peut-être le fait aussi que ce soit des choses inconfortables à explorer, ou peut-être par facilité. Donc voilà, moi, c'est ça que j'aurais envie de creuser un petit peu. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait cet, entre guillemets, ce rapport de force différent entre une majorité et une minorité? Mm-hmm. Très intéressant. Merci, Guillaume. Souad. Ce qui m'inspire avec l'importance de la minorité qui résiste, c'est un espoir, en fait. En voyant toutes ces initiatives et en ayant écouté attentivement tout ce que vous avez partagé, pour moi, ça ouvre des portes, en fait, à un monde, espérons, meilleur. Voilà, oui. Ce que ça m'inspire. C'est très beau. Merci, Souad. On va passer à Roger. Puis on va faire la rangée comme ça, voilà, pour terminer ensuite là. Voilà. Et ben moi, je me suis surtout posé la question, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que j'ai été invité? À l'insu de mon plein gré, je serais un résistant. Ouais. En même temps, je crois que je suis résistant depuis ma naissance. Je suis né à Vittel. Là. Donc, c'est, vous imaginez, il y a 60 ans, Vittel. Oh, l'horreur. Vraiment, il fallait résister. Voilà. Non, et moi, je voudrais être surtout militant d'une résistance jubilatoire. Voilà, je travaille beaucoup à ça et j'ai envie de lutter, mais avec une bonne soupe, avec un pinot gris, avec un petit peu de... C'est juste poésie, après, hein. On va pouvoir lutter, il voilà. Y a la soupe, il y a le pinot gris, il y a tout, hein. Voilà. On va pouvoir faire. Merci Roger. Vincent. Moi, je dirais que mon voisin, que je ne connais pas encore, mais, et qui évoque le vin gris, qui évoque la joie, m'évoque aussi Dionysos, le dieu de l'ivresse, le dieu du vin, et quelque chose de divin, et quelque chose qui est dans l'inatteint. Bon, Rimbaud, j'ai vu quelques fois ce que l'homme a cru voir. Bon, la minorité, c'est forcément une perception qui n'est pas donnée dans la perception habituelle. On est enfermé dans nos cerveaux, dans notre conception de la réalité. Et la minorité peut percevoir, enfin, résister, c'est aussi percevoir au-delà des limites et percevoir un autre possible. Aller vers un autre possible, aller vers... ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et chaque fois qu'un minoritaire se pose, bien il se réfère à un élan, un élan vital, et je dirais presque, j'ose le mot transcendantal, en faisant un peu allusion à ce mythe de la caverne, où on n'a qu'une perception limitée des choses. Dit Platon, hein, il dit toujours d'ailleurs. On est enfermé dans un théâtre d'ombre, l'illusion... Les situationnistes, que j'aimais beaucoup aussi, disaient qu'on était dans le monde du spectacle, mais un monde dans lequel on est enfermé dans des concepts, et il faut être minoritaire, et il faut franchir ce pas, il faut franchir le pas de la réalité apparente telle qu'elle nous est donnée pour aller vers autre chose, et fonder la résistance justement sur, je dirais, quelque chose d'autre, peut-être absolu, en tout cas un autre possible. Un autre possible, très bien, merci Vincent. Filmo. Eh ben moi, je vais entrer dans deux extrêmes qui en fait, résister. La minorité qui résiste, ça m'évoque deux thèmes complètement opposés. Le premier, c'est chez les handicapés qui sont dans des situations très difficiles, comme profonds, des débiles, bon, on ne va pas dire débiles, on va dire situations assez dramatiques, profondes. Eh bien, j'ai cru comprendre que chez un psychiatre, le psychiatre qui arrive à soigner l'un de nos malades aujourd'hui sur la planète peut permettre à des milliers, voire des millions de gens soignés. C'est-à-dire qu'une minorité peut représenter un résultat très très intéressant dans la pluralité. Voilà, premier point. Et puis deuxième point, c'est, si vous me permettez, j'ai une petite sucrerie là orale. Est-ce que vous me permettez de lire en quelques instants une minorité qu'on représente chez la femme et chez l'homme qui a un peu trop de poids, hein, parce qu'aujourd'hui c'est la vraie folie de qui va maigrir et perdre 200 grammes. Et ben moi j'ai une petite lettre croustillante à ce propos, ça vous dit? Je ne sais pas, c'est tout le monde qui va répondre. Est-ce que vous avez envie d'une petite lettre croustillante, ouais, de Christophe? Alors, vous allez participer parce que il y a des rimes en haut, hein, la légende vitelle, il y a des rimes en haut. Alors, je ne vais pas prononcer les M, vous allez prononcer les O, d'accord? Alors, on commence. Par quel M vous commencez? Alors, moi, je commence comme ça. Monsieur Botter, oh. Votre Boller, oh. Dans un torère, oh. Ce n'est pas du beau, oh. Z, oh. O. Zo. Ce n'est pas du bozo, ni du placide ou muse. Oh, museau. Vous êtes un maïs. Maïso. Trop. Maestro. Ah. Allez. Elle est haut. Gros. Allez gros. Gros. Plante. Elle est gros, plante. Le sourire aux lèvres, la femme sans alter est. Ego. Go. Le sourire ego. Rigo. L'eau rigolo. Se jeter à l'eau. En maille. En maillot. Mer. Merlot. Bien au chaud. Ouais, vertige. Vertigo. Dans les couleurs en broglie. Glio. Les formes généreuses. Ronde, mouvement, bi. Bio. Ce n'est pas du sport, c'est de l'art. Pas du jude. Judo, du judo. C'est Botter. Ro. Ro. Son vol dans le temps, une express. So. Le fluide d'une Ariane pour Apo. L'eau. L'eau. Le minotaure par la taille, comme une amazone dans un pince. So. Le sourire de l'âme devant moi immortalisé. Merci à vous de rendre l'élégance, la volupté, le mouvement, la grâce, la chaleur, un chourire, sur terre. La vie de tout, de la vie des tout petits ne savait plus combien on a plaisir de vous voir grand. Oh ben. Amicalement coloré. Ah, vôtre, j'ai cru. Amicalement coloré. Et puis là, j'ai deux blagues exceptionnelles. Alors, l'une nous dit que l'homme qui devait se taire, à qui on avait cloué le bec, se rappela qu'il pouvait ouvrir la bouche et se mit à rire. Si ça vous arrive, n'hésitez pas. Et le deuxième, c'est le 3-2 à la Saint-Blaise, faites l'amour pendant 21 jours, vous arriverez le 24-2 à la Saint-Modeste. Je vous remercie. Merci beaucoup, Filmo. Merci beaucoup. Là, on va entendre l'avis de l'importance de la minorité qui résiste. Alors, moi, Mickey, je voulais surtout rendre hommage à tous les grands résistants qui sont pour beaucoup des modèles, pour beaucoup de gens. Je pense à Nelson Mandela, Gandhi, voilà, tout le monde. Et Martin nos Luther grands King. Frères, voilà, qui étaient là devant nous et puis qui nous portent peut-être. C'est très beau, merci Mickey. Alors, René-Lise. Bon, moi, je voudrais juste parler d'une minorité agissante, sacrément agissante, dont on n'a pas parlé, mais elle fait bien partie des minorités qui agissent. C'est la classe des riches au pouvoir. 1% des plus riches qui sont d'une efficacité redoutable, sauf que là, ils sont quand même en train de basculer un peu dans la résistance, vu que leur décadence, leur chute vertigineuse étant commencée, je pense qu'ils vont avoir du mal à résister à la majorité en face de gilets jaunes et autres. Rien. Voilà, que nous allons rejoindre au plus vite. D'accord, merci René-Lise. Alors, c'est une belle conclusion là-dessus. Jean-Claude, maintenant on attend Jean-Claude. Oui, la minorité qui résiste, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il résiste. Parce que la minorité, c'est jamais qu'un élément de comparaison, en fait. C'est pas. À partir du moment où on est un ou deux ou trois, on est un groupe. Peu importe qu'on soit minoritaire, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'on soit tous ensemble avec des forces et des valeurs qui nous portent, et puis qu'on résiste à quoi que ce soit. Mais minorité, par le fait, dès l'instant où on démarre quelque chose avec quelques-uns, on est minoritaire. Ce qui naît est toujours petit. C'est bien dit ça. C'est bien dit ça. Bravo, merci. Bernard, pour reprendre les éléments que tu citais au début de réunion, c'est le sujet de la gouvernance par les nombres. Et on est en train de nous faire croire qu'il faut être majoritaire pour pouvoir exister. C'est une construction. C'est la construction de la démocratie. Hein. Avec 20-30% de gens acquis à une cause, on bouleverse un système. D'accord ? Ça, ouais. Ça, pour moi, c'est mais Colin Serrault l'avait dit. Hein. S'il y avait 20% de la population qui boycottait les grandes surfaces, les grosses marques, les trucs comme ça, l'économie de marché actuelle, elle se casse la gueule. Bien sûr, mais qu'a fait Macron ? Il a pulvérisé la société française avec la vaccination et le pass. Dans toutes les familles, dans tous les syndicats, dans toutes les associations, on a des débats infinis. Donc c'est pour empêcher la cohésion. Mais cette cohésion, elle était et elle sera de nouveau en marche. Donc ça, c'est le premier point, ça. Hein. Et je rejoins René-Lise sur le terme de l'action. Nous, on se considère comme des activistes, pas comme des résistants. Résistants, ça veut dire qu'on a un peu perdu. Enfin bon, si ce n'était pas les Américains, nos résistants n'auraient pas gagné. Le deuxième point, moi d'abord très content d'être ici, quand même. Et pour les gens que j'ai entendus dans les différentes prises de parole, on est tous un peu décalés. Oui, et c'est justement avec des gens décalés, je me considère comme étant un peu décalé aussi, qu'on va créer des mouvements. Hein. Et dans toutes les prises de parole que j'ai entendu beaucoup de sens artistique. Et là, je voudrais rendre hommage à la mémoire d'un copain qui est mort l'an dernier, qui était quelqu'un d'important dans le collectif. C'est Hubert Thiébaud, pour ceux qui l'ont peut-être connu. Et lui, il disait « Agir, c'est créer ». D'accord. Et ben voilà, moi je reste sur. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de créateurs et donc d'acteurs ici. Il y a Fred qui veut rajouter quelque chose. Ouais, pour parler un peu de minorité, mais moi j'aime bien partir dans les étoiles, dans l'espace. Alors fais-nous partir dans les étoiles et dans l'espace. Dans l'infiniment grand. Et donc là, si on voit que l'humanité, donc sur cette petite planète, quoi. En fait, face à l'immensité, elle est minoritaire, quoi. Parce que toutes les sondes qu'on envoie partout pour aller chercher au moins une bactérie qu'on n'arrive même pas à trouver, elle est minoritaire. Donc là, on se rend bien compte qu'on s'en fout d'être minoritaire tant qu'on vit. Je crois que c'est le plus important, quoi. C'est le fait de vivre, de vivre. Donc parfois, il faut se battre, mais aussi, des fois, abandonner un délire pour vivre autre chose, quoi, souvent. C'est le, je sais pas, peut-être des fois le meilleur des combats, c'est aussi de vivre autre chose. Ouais, mais c'est pareil, moi, ça, avec j'ai un petit problème avec le mot survie, parce que pour moi, c'est les milliardaires qui vivent au-dessus, qui survivent, quoi. Et pour moi, ce serait plutôt sous-vivre. C'est pareil, on utilise plein de mots comme ça qui renversent les façons de penser. Je sais pas, j'ai plein de problèmes comme avec, je sais pas, c'est intégré, désintégré. C'est violent, désintégré, quoi. Je te désintègre. Bon, voilà. Bravo, merci beaucoup à tous. Merci à vous, chers auditeurs, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre écoute. À bientôt sur Associativement Vôtre.